Dossier 6. Leçon 1. Activité 7. Et je vous invite à présent à regarder un autre reportage. Aujourd'hui, veille du 1er mai, nous sommes allés à la rencontre de 3 travailleurs sur leur lieu de travail. Nous avons voulu savoir quels sont leurs souhaits, leurs attentes en ce qui concerne leur travail. Des travailleurs qui sont loin d'être totalement satisfaits, vous allez le voir. Et vous comprendrez pourquoi ils ont préféré témoigner le visage caché. Moi, je suis ouvrier dans une usine de construction automobile. Dans notre secteur, on est particulièrement touché par la crise et l'ambiance n'est pas super. On a tous peur du chômage, mais on n'a aucune information à ce sujet de la part de la direction. On aimerait pourtant plus de transparence, qu'on nous informe, qu'on nous dise la vérité. Il faudrait aussi qu'on puisse évoluer dans la profession. Moi, je ne souhaite pas rester ouvrier toute ma vie. On devrait nous proposer davantage de formations. Alors moi, je suis secrétaire depuis 30 ans. J'estime que je fais du bon boulot. J'aimerais que mon patron soit moins patron. Vous voyez ? On n'est pas des esclaves. Et puis, il devrait ouvrir les yeux. Je trouve qu'il ne se rend pas compte de tout ce que je fais. Et je le fais bien, vous savez. Moi, je suis chef de projet dans le secteur de la vente par Internet. J'ai donc un poste à responsabilité, mais mon chef hiérarchique veut tout superviser. J'aimerais qu'il soit un peu moins sur mon dos, à vrai dire. Et puis, je trouve que dans ma boîte, il y a beaucoup de concurrence entre collègues. Il n'y a pas vraiment d'esprit d'équipe. À mon avis, on devrait plus coopérer.